le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Le frère José est là. Nduku José Kopale. Est-ce que l'église de Kambour dans la joie de le recevoir? Et kanisa Kambour katika fura kumpokea. Saluer au nom de Jésus-Christ. Na kumsalimia mchina Bwana Yesu Kristu. Le frère prêche en Lingala. Nduku avec un peu de français. Nduku unachanga mkubiri Lingala na Kifaransa. Alors soyez attentifs. Mupate kuya basikilivu kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tu na misalimia mangaribi ya leo mujina ya Bwana mfalme na mwokozi wetu Yesu Kristo. Je suis votre frère Josué Bongonda. Niko nduku yenu Josué Bongonda. Je viens Congo Central. Minatokea ku Congo Central. Et ça fait déjà 2 mois et demi que je suis au Katanga. Una kwa miezi mbili kipande niko ku Katanga. Et partout où je suis passé, na fazi yote nilipita, le frères et sœurs vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Banduku na baza walimsalimia mujina Bwana Yesu Kristo. Il y a aussi le frère Minga, là où j'étais à Likasi avant de venir ici, j'étais longé chez lui. Nduku Minga kule ni kwa kwake ku Likasi. Il a voyagé pour Goma. Anasafiri ku Goma. Il m'a demandé aussi de vous transmettre ses salutations dans le nom de Jésus-Christ. Aliniambia pia nimsalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Je vous demande de vous mettre, de vous lever pour lire la parole de Dieu. Mina milomba msimame tupate kusoma neno ya Mungu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Galates. Tunabeba ma Biblia yetu kitabu wa Galatia. Galates chapitre 5. Nous commençons au verset, nous lisons verset 7, verset 8 et jusqu'au verset 9. Galatia sura ya 5 tunaanzia mstari wa 7 mpaka ya 9. Vous courez bien. Mulikuwa nakimbia mzuri. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Naye alimshimamisha njoo kumizuiza mkose kutiku kweli. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ile uvuto aitokie kwa yule alimiita. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Chacho tu kidogo nikaka kuna ramusha pati yote. Je lis aussi dans la version parole vivante. Niko nasoma mkutafsiri kwa neno ya buzima. Vous étiez bien parti. Murianza tu mzuri. Qui vous a barré la route? Nani alimifungia njia? Et vous empêche d'obéir à la vérité? Na kumizuiza mkose kutiku kweli. Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Ule kizuizo aitoke kwa Mungu la limita. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Chacho tu kidogo unapandisha bunga yote. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kukaa. Mes frères bien-aimés. Ba nduku wapendwa. Comme l'homme de Dieu vient de le dire. Paka vile mtumishi wa Mungu anatoka mkuisema. Je n'ai pas de grandes choses à vous apporter ce soir. Shina na bitu bya binene binene bya kumiletea mangaribi ya leo. Parce que je suis convaincu que vous êtes une église qui est bien enseignée. Sababu mimi nakikishwa simu kanisa yakufundishwa mzuri. Dieu nous a donné ses serviteurs dans cette église. Na Mungu alitupatia watumishi wake mwi kanisa. Et nous écoutons des belles paroles de Dieu. Na tunashikia maneno ya mzuri ya Mungu. Mais ce soir, lakini mangaribi ya leo, je vais seulement vous rappeler, mita mikumbusha tu, ce que vous avez toujours l'habitude d'écouter. Ile mlekakazi na zoezo kusikia. Parce que l'homme, il est vraiment facile de doubler les paroles de Dieu. Muntu ku kwa wepesi kwa yepate kusaba maneno ya Mungu. Mais souvent il s'accroche de vaines choses. Lakini wewe anambatanaka zaidi pa kumabitu ya bulebule. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu fait. Aina njoo ile Mungu yanataka. Dieu veut que sa parole puisse devenir notre vie de tous les jours. Mungu anapenda neno yake kuwe maisha yetu ya kila siku. Alors la Bible nous dit. Sasa Biblia inatuambia. Notre sujet c'est vous courez bien. Na tungo yetu ngisema mlikuwa nakimbia mzuri. Qui vous a arrêté? Nani ulimshimamisha? Et le caractère de cette écriture. Na namna hii andiko. C'est une manière de reproche. Ni namna moja kukemea. On nous reproche de quelque chose. Vous courez bien. Vous courez bien avec la parole. Vous avez bien commencé avec la parole. Mais qui vous arrête? Nani anemishimamisha sasa? Qui vous empêche d'obéir à la parole, d'obéir à la vérité? Vous avez bien commencé. Tu étais un bon frère. Tu étais une bonne sœur. Tu avais la crainte de Dieu. Tu marchais dans l'obéissance de la parole. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher de ne plus encore obéir à la parole? Et Dieu demande l'obéissance à sa parole. La foi véritable marche ensemble avec l'obéissance. Celui qui croit réellement à Dieu, il doit lui obéir. Et la Bible nous reproche, le Saint-Esprit nous reproche, parce que l'Esprit de Dieu nous connaît mieux, connaît la conduite de chacun de nous. Alors, frères et sœurs, la Bible dit ici, Bobandaki malamu. Tangon dit maki. Tu étais dans l'erreur. Je vais dans le péché. Mais tangon qui parole la vérité. Kweli, qui décision. Mupango, pona quoi abandonner. Misala nyoso ya mabe. Bitu biote bibaye. Bomo ya mabe. Romu baya. A cause ya obéissance ya lilobo yoyoka ki. Kwa sababu ya kuti utifu ya neno lorusikia. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Sasa nini unafanya leo? Que tu écoutes la même parole. Unashikia le neno moja moja. Mais tu n'arrives pas à obéir. Lakini unashindwa kuiti. Est-ce que tu es déjà arrivé au ciel? Eti ushakufika kumbingu? C'est pour cela lilobo ya. Que prédication de l'évangile. Maubiri ya injili. Ezali suna efete katina yo. Aina tena matuke undani yako. Parce que frère. Sababu nduku. Lorsque nous avons crié. Wakati tuliamini. Même tango ere église kokaki. Ataka mwapale saa kanisa renea. Même si on vous présentait la nourriture. Ataka nakuleta chakula. Tu laissais la nourriture. Ulikuwa naacha chakula. Pour aller à l'église. Njoo kwenda kanisa. Parce que vous sentez que mitemez là qui vraiment n'a pressement à la parole. Sababu uko na shikia vuto mo muro yako unakusukuma ukashikia sauti ya Mungu. Est-ce que amour wane zakaka? Eti ile mapendo ngariki kotena? Zel wane zakaka. Ile bidii ngariki kotena? Tango toni makina ebandeli. Wakati tuliamini kumwanza. Ezala ki difficile. Ilikuwa nguvu. Na kati na assemblé. Na mumakutano hivi. Retrouver un frère. Ukute nduku moya. Na une sœur. Na dada moya. La même église. Ba mukanisa moja moja. Bazaliko se livré na prostitution. Beko na jitoa mbusharati. C'était des choses on imaginait même pas. Andibito tukwanza ta kubifikili. On avait même pas l'idée. Atukata na le wazo. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Ça se fait dans nos assemblées. Beko nafanyika ndana mumakutano yetu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ninya endeki. Qu'est-ce qui nous manque? Nini etukosa? Est-ce que nous sommes encore au temps d'ignorance? Non, frère. Nous sommes plus au temps d'ignorance. Nous avons la connaissance de la vérité. Nous connaissons la vérité. Mais ce qui nous manque, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous marchez bien. Il y a des frères qui étaient zélés. Des sœurs zélées. Ils chantaient avec joie. Pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne le font même pas. Et nous devenons des chrétiens formalistes. Nous venons à l'église que pour la forme. Mais en réalité, dans nos cœurs, il n'y a plus l'amour de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus l'obéissance à la parole de la vérité. Et vous devez revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. Regarde-toi, mon frère. Est-ce que tu es tout ce que tu as été? Regarde-toi, ma soeur. Fais l'inventaire de ta propre vie. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Vous courez bien. Vous avez bien commencé. Vous êtes habillé correctement. Tu respectais la parole. Et nous remarquons que les choses que nous avons abandonnées, nous commençons encore à retourner. Oui, frère. Parfois, nous. Parfois, tu n'as changé. Joanini mambo nengia muneno ya Mungu. Comment dans l'église de Dieu? Je mukanisa ya Mungu. Le fils et le fils de Dieu. Bana na ba binti ya Mungu. Se comporter de cette manière. Banaweza kujongoza mwili na Mungu. Les choses que vous avez déjà abandonnées. Bitu vya mshakuacha. Vous commencez encore à les reprendre. Unaanza tena kurudiria mu. Boko mi bambua. Mnakuwa baimbwa. Oui frère. Ndio le chien. Bandu baimbwa. Il mange. Anakula. Après quelques temps. Kisha wakati fulani. Cette nourriture commence à lui faire du mal. Kama unasema chakula anaanza kumuuzi mtumbo. Il va quelque part. Anaenda fazi moja hivi. Commence à vomir. Anaanza kuitapika ile chakula. Il vomit. Anaitapika. Et après quelque temps. Na kisha wakati il fulani. Il va reprendre la même nourriture. Anarudia tena mbili alitapika. Ça c'est le chien. Ile ni buimbwa. Toi, lakini wewe. Tu n'es pas un chien. Hauna imbwa. Tu es un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Tu ne peux pas encore reprendre. Ah wewe tena kurudiria amu. La pourriture du monde. Ile uozo kibiozo vya dunia. Vomit. Bitu vile ulitapika. Si tu avais confessé. Kama ushakubikiri. Ben mes frères. Mapendo. Tu ne peux plus encore reprendre les choses que tu as confessé. Wewe tena kubirudiria bile ulikiri. Soki biloko wana. Kama bile bintu. Oyo mbwa boka ki. Ule imbwa litapika. Amone ke sala ki emabe. Aruna seri mufanya mubaya. Meme soko zongeli angoli susu. Ata unayirudidia tena malengine. Eko sala ya toujours mabe. Ita kufanya tena paka mubaya. Yo mwana ya Nzambe. We mtoto wa soko Mungu. Soko tika ki masumu. Wakati unaweka roho yako. Eo marche dans la sainteté. Unaanza kutembea katika utakaso. Soko zongeli viwana. Kama unarudia mule Eko maisha. Eko sala mabe susu koleka. Ita kufanya tena mubaya kabisa kama uriacha Zambi. C'est comme Jésus qui nous a dit. Ni paka vile sura tuambia. Soki moto. Kama muntu. Ba demo bimikati na ye. Ma demo na toka ndani yake. Demo la. Ile ma demo na. Bakenda kako yenga yenga. Banenda kuwaya waya. Et après quelques temps. Na kisha wakati. Bakosa le susu. Demi tu. Batarudia tena. Koyako visite ndako. Banakuwa tena kutembelea mule nyumba. Mule baruku yako. Mais soki ba trouver. Lakini kama wanakuta. Que la maison est vide. Ile nyumba kuwazi. Iba kwa apele. Batenda tena kuita. Les sept mauvais esprits. Ma demo na ingine saba ya. Plus méchant que lui. Ya mubaya tena kupita ili. Ils vont venir s'installer à cette maison. Itakuwa kuikala mule nyumba. Et cette maison. Na ile nyumba. C'est ton cœur. Ni moyo wako. Mais ton cœur. Lakini moyo wako. Esa maison ya diable te. Aina nyumba shetani hapana. La Bible dit, Biblia nasema, ne savez-vous pas amujue, que votre corps ya kwamba mwili yenu, est le temple du Saint-Esprit? Ni mwekalu ya Roho Mtakatifu, ton corps, mwili yako, c'est le temple ni ekalu du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. L'Esprit de Dieu va habiter dans nos cœurs. Inapasha kuikala ndani ya mioyo yetu. Et non pas l'amour du monde. Hapana mapendo ya dunia. Non pas les mauvais esprits. Hapana maroho mchafu. Non pas les péchés. Hapana zambi. Mais la parole. Lakini neno. Et la vie de Dieu. Na maisha ya Mungu. Doit prendre une place. Inapasha kubeba dans notre cœur. Alléluia. Amen. Examinez-vous vous-même, frère. Mujichunguze mwe benye banduku. Vous courez bien. Mko na kimbia tu mzuri. Avec la parole. Mna pamoja na neno. Vous marchez bien. Mko na tembea mzuri. Mais aujourd'hui. Sasa leo. Regarde ce que tu es devenu. Angara kilo shakuya. Un frère méchant. Nduku mwa mubaya. Un frère colérique. Nduku mwa bishilani. Une soeur médisante. Dada mwa mashimangu. Tu es toujours dans ta langue. Huku paka palurimi yako. Tu parles toujours le mal des autres. Huku nasema paka bibaya bia bengine badala. Tu es là pour critiquer. Huku pale njoo kusemea bibaya. Pour parler de mal des frères. Njoo kusemea bibaya banduku wenduku yangu. Ce n'est pas comme ça. Aina vile. Que vous avez appris Christ. Njoo mujifunza Kristu. Christ est amour. Kristu ni mapendo. Marchez dans l'amour. Utembee katika mapendo. Marchez dans l'obéissance. Utembee katika utiifu. C'est la parole de Dieu. Ya neno ya Mungu. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Cette influence. Ile uvuto. Ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Aitoki kwa Mungu la limita. Oui frère. Ndio banduku. Cette influence. Ile uvuto. Qui fait que. Ile nafanya. Vous abandonnez l'obéissance à la parole. Unaacha utifu kuneno. Ne vient pas de Dieu. Aitoki kwa Mungu. Dieu ne peut pas nous influencer. Mungu hawezi kutuvuta. Et ne plus être obéissant. Tukose kwa tena batifu. À sa propre parole. Kuneno yake mwenyewe. Au contraire. Kwa kinyume. Notre Dieu. Mungu wetu. Nous recommande. Anetuagizia. De l'aimer. Tupate kumupenda. De tout notre cœur. Na moyo wetu. De te mettre. Na kuweka. Toute sa parole. Neno yake yote. À pratique. Mkuitumikia. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Na utifu kuneno ya Mungu. Vous donne le droit. Il n'a pas été le russe. De recevoir le Saint-Esprit. Il y a coupé Kiarum Takatif. Si vous obéissez à Dieu. Comme on a dit quoi, Mungu. Vous serez réellement. Utaku ya kika. Le fils et le fils de Dieu. Bana na babinti ya Mungu. La Bible dit quelque part. Biblia nasema fazi moja. Ce ne sont pas. Aina. Ceux qui écoutent la loi. Bale bien unashikia sheria. Qui sont justifiés devant Dieu. Jobe unasabi wa kimbele ya Mungu. Mais ce sont plutôt. Ni alafu ceux qui l'écoutent. Bale bien unashikia. Et le mettent en pratique. Na beko naitumikia. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mutumikie neno ya Mungu. Et frère Branham. Na ndugu Branham. Dans sa prédication, la voix du signe. Ou le signe de 63. Il est alama ya 1963. Il dit, anasema, ne dites-vous pas, mushiseme, ne dites pas, mushiseme, je crois au message, minamini kujumbe, je crois au message, minamini kujumbe. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Lakini mutumikie neno ya Mungu. Obéissez au message. Mutiku ujumbe. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Na utifu kuneno ya Mungu. Vous donne le privilège. Inakupatia ile ruhusa. Vous donne le droit. Inakupatia ile halali. De recevoir le signe. Ya kupokea ile alama. Et le signe c'est le Saint-Esprit. Na ile alama ni Roho Mtakatifu. C'est ça le signe que Dieu nous demande. Njo alama ile Mungu akonetuloga. Dieu peut nous donner le Saint-Esprit. Mungu anaweza kutupatia Roho Mtakatifu. Si nous obéissons. Paka tutuna à sa parole. Neno yake. Aujourd'hui, nous avons des hypocrites leo dans nos ensembles. Banafiki, ba mes frères et sœurs, vous devez comprendre. Et les hypocrites n'entreront jamais, kamwe, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mufalme ya Mungu. Le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu, c'est pour ses fils ni ya babana, et pour ses filles. Ni ya babinti. Et la Bible dit, na Biblia nasema, ceux qui sont nés de Dieu, benye kuzalikwa kwa Mungu, écoute la parole de Dieu, beko nasikia neno et ya Mungu, le met en pratique. Na beko naitumikia. Cette influence ne vient pas de Dieu. Aitoke kwa Mungu. Cette attitude, frère, il est ali, il est, que vous commencez à adopter, il est unanza kubeba, ce n'est pas une bonne attitude aina ali ya mzuri, d'un bon chrétien. Ya mukristu mzuri. Non, frère. Apana banduku. Tu peux te tromper. Unaweza kukotola. Pas les raisonnements. Na mafikiri. Mais Dieu. Lakini Mungu. Fait ici sa parole. Eko na kesha paneno yake. Dieu regarde. Mungu eko na angalia. Sa parole. Kuneno yake. Mes frères et sœurs. Banduku yangu na badada yangu. Biblia nasema. Un peu de levain. Chacho tu kidogo. Fait lever toute la pâte. Et italamusha mpati yote. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Dieu. Mungu. Ne veut pas le mélange. Apendake mchango. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu neno ya Mungu et les choses du monde. Na bitu ya mduni. Si tu veux marcher avec Dieu, kama unataka kutembea na Mungu, restez dans la parole. Bakia paka tu ndani ya neno. Conforme à sa parole. Ishi kufuatana na neno. Identifiez-vous la parole. Upate kujilinganisha na neno. Ne mélangez pas, frère. Hapana kujichanganisha. Parce que Dieu est saint. Sababu Mungu ni mtakatifu. Vous voyez, frère? Unaona banduku? Regardez même notre Saint Jésus-Christ. Angalia ta Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus-Christ, quand tu le dis sur la terre, il disait toujours, les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui demeure à moi. Le Père est plus grand que moi. Mais un jour, Jésus, à la croix de Golgotha, il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi Jésus-Christ était abandonné par le Père? Na nini Jésus-Christ par qui demeure à lui? Parce que ce jour-là, Jésus-Christ était devenu pécheur. Jésus-Christ n'était pas pécheur. Mais il a porté nos péchés. Et il était devenu pécheur. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu a quitté Jésus-Christ. Il a Christ. Et Jésus-Christ criait. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Frère, ce qui nous a répondu, c'est que je t'abandonne parce que tu deviens pécheur. Tu portes le péché du Père. C'est pourquoi moi, je ne peux pas rester dans un corps péché, dans un corps où il y a le péché, parce que moi je suis saint. Alors bien aimé frère, tu es sûr que le Dieu du ciel, s'il avait abandonné son propre fils à cause du péché du peuple, le Saint-Esprit de Dieu peut toujours rester en toi. Tu es sûr, avec ta vie là que tu as tenté de mener, ta vie d'hypocrisie, malgré que tu viens à l'église, mais tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu es sûr. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Même si votre berger ne vous connaît pas. Ataka wa mchungaji unashikujua. Mais Dieu vous connaît. Lakini Mungu anakujua. Dieu vous connaît, frère. Mungu anakujua ndugu. Même l'homme de Dieu. Hata mtumishi wa Mungu. Il m'a donné la chair. Kama nipatia mimbari. Il m'a donné la chair seulement à cause de la confiance. Alinipatia tu mimbari juu arinyekea matumaini. Il ne me connaît pas. Ashinijue. Mais c'est Dieu qui me connaît. Na lakini ni Mungu juu ananijua. Frère, Banduku. Ce qui t'a salaki aventure dans les années passées. Kama tulifanya michezo ma miaka ishakupita. Ce n'est plus le temps de faire les aventures. Ah, ina tena wakati ya kufanya ma michezo. Si nous étions négligents. Kama tukua wakusula sula. Les années coulées. Hii ma miaka inapita. Ces années ici. Hii ma miaka. Ce n'est pas question. Ana tena mambo. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Tunapasha kubeba vitu vya Mungu na mamoyo yote. La venue du Seigneur proche, mes frères. Urudi kwa Bwana kuna karibia. Dieu. Mungu. Ne regarde pas le commencement. Ashangareki kumwanzo. Mais Dieu regarde la fin. Mungu anangara ni kumwisho. Et la Bible nous dit. Na Biblia nasema. Vous avez bien commencé. Mulianza tu mzuri. Vous courez bien. Mpona kimbia mzuri. Mais qui vous a arrêté? Sasa nani alimshimamisha? Et si Jésus-Christ venait aujourd'hui? Na kama Yesu sasa anakuja leo. Jésus ne regardait pas ce que vous avez fait. Yesu asangara kwa bila urufanya. Parce que nous avons crié. Wapati tuliamini. Nous. Frère, nous sawana. Ile yote. Dieu n'est pas là. Mungu anako. Zama zote leo zana ngo sikoi. Mungu anangara biku nabi hapa sasa. Beaucoup de gens batu ba mingi. Nous racontent les expériences passées. Bego na tuadisia maonjo yabo ya kupita ya zamani. Et aujourd'hui. Lakini leo. Le temps présent de ton âme. Mwe wakati ya leo ya bumuntu wako. C'est ce qui compte pour Dieu. Jo kiki Mungu anangaria. Le temps présent. Wakati yako ya hapa sasa. Quel est l'état présent de ton âme? Ali yako ya hapa sasa nafsi yako ni nini? Est-ce que toi Dieu. Vous entretenez toujours de bonnes relations. Est-ce que vraiment le courant passe? Mon frère, ma sœur, pose-toi la question ce soir. Est-ce que j'entretiens toujours de bonnes relations avec le Seigneur Jésus-Christ? Et si le Seigneur venait aujourd'hui, je suis candidat ou je suis candidate d'aller au ciel? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Vous courez bien. Vous connaissez bien tout mouzour. Mais qui vous arrêtez? Ça n'est pas la vérité. Et c'est ça l'attitude des frères de Galates. Nanjo ali abanduku wa Galates. L'église de Galates. Kanisa ya Galatia. Avait bien commencé. Ilianzaka mzuri sana. Mais à un certain moment. Lakini wakati mwa fulani. Se détourner de la vérité. Bananza kugeukia ukweli. Et comme l'esprit de Dieu. Na vile roho ya Mungu. C'est l'esprit de vérité. Ni roho ya ukweli. Et la vérité. Na ukweli. Corrige toujours l'erreur. Iko nanyorosha paka mankosa. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Nous corrige toujours. Iko natunyorosha paka. Parce que notre Dieu. Sababu Mungu wetu. Que nous restons toujours. Anapenda tubakie paka. Dans l'obéissance. Ndanya utifu. De sa parole. Ya neno yake. Dans le livre de Galates, chapitre 3. Mon kitabu ya Galati sura ya 3. Le premier verset. Mustara ya kwanza. Nous lisons jusqu'au verset 4. Tutafika kwa mustara ya 4. Oh Galates, oh wa Galatia, dépourvu de sens. Benye kukosa ikili. Qui vous a fasciné? Nani wa mitunga? Qui vous a fasciné? Nani wa mitunga? Vous osiez de qui? Nani wa miloka? Voilà. Qui a été peint comme crucifié? Vous Galatia. Le même Saint-Esprit. Oui, reprocha qui bande quoi Galate. Les autres reprochés vous ont peint à l'école. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Tazama kile tu banenjulisha kutokea kwenu. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Eti ni kupitia matendo ya sheria jomo lipokea roho. Par la prédication de la foi? Au pa kupitia mahubiri ya imani. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Eti hakika mnakosewa bado akili. Après avoir commencé par l'esprit. Kisha mwe kuanzia na roho. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Mnapenda mwishie na mwili ya kimwili. Avez-vous tant souffert en vain? Eti muliteswa sana hivi mwabule? Alléluia. Amen. Après avoir kisha commencé par l'esprit, kuanzia na roho, commencé par l'obéissance, kuanzia na utifu, commencé par la crainte de Dieu, kuanzia na uoga ya Mungu. Maintenant hapa sasa, vous voulez finir, unapenda kuishia dans la chair, ndani ya vitu vya kimwili, dans la vie du péché, mu maisha ya dhambi, dans la vie des suies, mu maisha ya buchafu. Les ministres que tu avais abandonné, tu manges pas tu pourrais chaka. Les choses bizarres du monde que tu avais abandonnées. Bébé, tu viens au vif, mais mon Dieu, chaque fois, tu commences maintenant. On en zate na. À les reprendre. Virudiriria. Oh. Japo. Nous ne sommes pas au débit. À tout notre commun zate na. Du temps de la grâce. Ya wakati anem. Mais nous sommes à la fin. Lakini tu kumwisho. Du temps de la grâce. Ya wakati anem. Bien-aimés frères, avez-vous tant souffert en vain? Il y a même des frères ici qui ont beaucoup souffert. Il y a même d'autres qui avaient perdu même leurs emplois. Oui, frère. Il y a beaucoup qui avaient perdu même leurs emplois. Ils ont perdu le travail. Ils ont perdu le travail à cause de la parole de Dieu. Parce qu'ils disaient, c'est mieux vaut de perdre le travail et de perdre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ça, tu n'as plus l'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'as plus l'amour. Tu n'as plus l'amour. Dans la parole de Dieu. Mou, avez-vous tant souffert en vain? Alors mes frères bien-aimés, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mubiri, saba, mstari, ce que Dieu regarde, ile mungu unangaria, c'est la fin. Ni mwisho. Et pas le commencement. Apana mwanzo. Frère, Banduk. Beaucoup de gens que vous voyez même aujourd'hui dans les messages, batu atabamingi unaona leo qui croient des fausses doctrines, qui prêchent même que Branham est Dieu, qui reçoit le baptême dans le nom de notre précieux frère Branham, la plupart d'entre eux, ce sont les frères qui étaient baptisés dans le nom de Jésus-Christ, qui avaient crié au Seigneur. Bariaminyaka kwa Bwana. Mais ils se sont détournés de la vérité. Lakini barige ukia ukwe. Baracha ukwe. Voyez frère. Mnaona banduku. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Muzuri ya mwisho ya vitu vyote kuliko mwanzo. Mieux vaut la fin d'une chose. Eri mwisho ya vitu. Ecclésiaste 7, 8 dit. Mubiri 7, 8. Mieux vaut la fin. Eri mwisho. D'une chose. Ya kitu. Que son commencement. Kuliko mwanzo. Dieu regarde la fin. Mungu yuko anangalia ni mwisho. Il ne regarde pas le commencement. Ashangalie ku mwanzo. Mais il y a une chose. Lakini si vous avez bien commencé. Kama ulianza mzuri. Continuez toujours. Muendelee paka vile. Dans le même là. Mwile ali. Quand la Bible dit. Wakati Biblia inasema. C'est lui qui persévérera. Ula tadumu. Jusqu'à la fin. Na kumwisho. Sera sauvé. Ndio ataokolewa. C'est lui qui gardera la bonne position. Jusqu'au retour du Seigneur. Sera enlevé. Mais frère. Lakini bandu. Regardez-nous aujourd'hui. Tujangalie leo. Après avoir commencé par la parole. Kisha kuanzia na neno. Nous finissons mal. Tukunaisha mbaya. Il y a de la haine. Kuko chuki. Il y a de jalousie. Kuko mabuivu. Toutes sortes de péchés du aina monde. Yote ya zambi ya aujourd'hui mbunia. Les chrétiens. Leo ba Christu. Commencent à imiter. Bananza kufuatirisha. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atukwe kusaidia banduku. Alors bien aimés frères. Sasa mapendo dans le livre des Corinthiens. Mu kitabu wa Korinto. Chapitre 9. Sura ya 9. Verset 24. Mustara makumi mbili. Jusqu'au verset 27. Na ine paka makumi mbili na saba. La Bible dit. Biblia nasema. Ne savez-vous pas? Eti amujue. Que ceux qui courent dans les stades. Ya kwamba wao nakimbia mu stade. Pour tous. Beo nakimbia bote. Mais qu'un seul rapporte les prix. Lakini mmoja tu je unapata ile malipo. Courez. Mukimbie. De manière à les rapporter. Munamna ya kuipata. Tous ceux qui combattent. Bale bote wanapigani, wanapigana mvita beo wanajekea. D'espèce d'abstinence. Aina yote mabizuizo. Et ils le font na beko naifanya pour obtenir jua kupata une couronne corruptible. Taji moi il est taribika. Ils courent dans les stades. Beko nakimbia dans les Jeux Olympiques. Mumaile mamichezo. Pour chercher à obtenir jua kutafuta kupata une couronne. Taji. Mais cette couronne. Lakini limataji. Elle est corruptible. Ni ta ya kuharibika. Mais nous, lakini shei, faisons-le tuifanye, pour une couronne juu ya taji, incorruptible. Yashipo kuharibika. Vous voyez, frère, mnaona banduku, et l'apôtre dit, na mutume anasema, moi donc, mie basi, je cours, niko nakimbia, non pas comme à l'aventure. Apana sawa unafanya michezo. Mes frères, banduku, ne venez pas ici pour faire les aventures. Mushiku hapa nje kufanya michezo. Ne venez pas ici ma soeur. Mushiku hapa dada yangu. Pour faire les aventures. Nje kufanya michezo. Ne venez pas ici. Yapa, parce que tu viens à l'église de tes parents. Sababu na kwa kanisa ya bazazi yako. Oh, cette église là. Oh, il kanisa. C'est l'église de mes parents. Ni kanisa ya bazazi yangu. Mon père prie là-bas. Baba angu naombaka kule. Mama prie là-bas. Mama angu naombaka kule. C'est notre église. Ni kanisa yetu. Au ciel. Kumbingu. Dieu n'a pas de petits-fils. Mungu ana batoto bankana. Non, frère. Apana bandu. Dieu. Donc, que des fils et des filles. Paka na bana, na tu dois naître de nouveau. On a pas tu dois croire la parole de Dieu. Kwa mini et ya mungu, devenir na kuya, toi-même we mwenyewe, un enfant de Dieu. Mutoto wa mungu. Ne venez pas par enthousiasme. Mushikwe tu juu na chamuka chamuka. Ne venez pas ici pour chercher à plaire à quelqu'un. Mushikwe panja kutafuta kufurahisha mtu. Mais cherchez à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Lakini tafuta kufurahisha Bwana Yesu Kristo. C'est lui qui nous a appelés. Ni yeye alituita. L'apôtre dit. Mutume anasema. Moi. Miye. Je tiens te dire, maman. Non, non. Moi donc. Mibas. Je cours. Ni unakimbia. Non pas comme à l'aventure. Hapana sasa mwenye kufanya michezo. Je frappe. Ni unapiga. Non pas comme battant à l'air. Hapana sasa ni unapika mpepo. Mais. Lakini. Je tete durement mon corps. Ni unatendea na ukali mwili yangu. Et je le tiens assujetti. Na ni kunaitishi. De peur d'être moi-même rejeté. Kwa woga mimi mwenye nishikataliwe. Après avoir prêché aux autres. Kisha mikubiri kubengine. Vous voyez, frère, l'apôtre dit ici, je ne fais pas les aventures. J'ai traité durement mon corps. Comme le corps a des sentiments. Contre la salut de l'esprit, moi je ne suis pas là pour chercher à plaire à la chair. Non, je le mets en prison. Donc, frère, toutes les mauvaises désirs qui vous arrivent, qui sont contre la parole de Dieu, prenez ces mauvais désirs là et jetez-les dans la prison à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Je les tiens assujettis. Pourquoi? Dieu a dit. De peur que, kwa oga, après avoir prêché les autres, kisha kubiri bengine, comme moi, Josué, vile mi Joshua, je quitte chez moi, minatoka kwangu, je parcouru plus de 2000 et quelques kilomètres, minatembea kadiri ya maelfu mbili ya kilomètre, j'arrive ici pour prêcher la parole, kufika pa kumubiri, et j'ai vu l'hypocrisie. Na minaishi katika unafiki. Frère bien-aimé, banduku wa peine. Moi, j'ai toujours dit, minasema kila mara, si j'avais une mauvaise vie, kama niko na maisha mubaya, je ne peux pas prêcher la parole, siwezi kuishi neno ya kubiri, je ne peux pas prêcher la vérité, siwezi kuhubiri ukweli. Vous savez une chose, frère. Dans la parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu, c'est une semence. Quand vous prêchez la vérité, si vous vivez mal, il y aura toujours des personnes qui croiront à cette vérité. Et elles seront sauvées. Mais toi qui as prêché, tu seras resté, tu resteras. Oui, frère. Si tu fais les aventures sur ma sœur, sachez que dans cette même assemblée, il y aura des frères et sœurs qui seront enlevés. Je vous assure. Mina miyakikishi. Dieu ne manque jamais de témoins quelque part. Mungu akosaki bashuda yake pazi ya tamoni. Si tu blagues avec le message. Amoku na cheza mifanya mchezo na ujumbe. Ujumbe. Est sorti de la bouche de Dieu. Ilitoka mkinywa kia Mungu. Et le message nous ramène à Dieu. Na ujumbe naturudisha ni kwa Mungu. Je dis. Mungu anasema. Si la parole. Kama neno. Sort de ma bouche. Inatoka mkinywa kia Mungu. Elle ne retourne jamais à vide. Na airudi yake bule. Sans accomplir. Bila kutimiza. La mission. Mamkazi, et je l'ai confié. Il est milipati. Et Dieu a dit à frère Branham. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Viens nous tout maillot nous baptiser. Quand je suis de la première venue. Wa kutangulia kuja kwangu kwa kwanza. J'envoie. Mina kutuma. Avec un message. Na ujumbe moja. Qui préparera ma seconde venue. Il est tayarisha kuja kwangu kwa pili. Et frère Branham me dit. Na ndugu Branham anasema. Ce n'est pas moi. Aina mie. Qui est le prescripteur. Je mwenye kuja kutangulia. Seconde venue. Kuja kwa yeye kwa pili. Mais le message. Lakini ujumbe. Et ce message ujumbe, est en train d'être prêché pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et comme ce message na vile ujumbe, était sorti iritoka, dans la bouche de Dieu, ce message ujumbe, a la mission kazi, de chercher une épouse et parole. Ya kutafuta bibi, le message neno, ne rentrera jamais à vide ujumbe, vers le Seigneur kwa buwana, sans lui présenter bila une épouse bibi arusi, parole. Mwe, neno. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il se présentera à une église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est irrépréhensible. Vous voyez, frère, naona, et ce message na ujumbe, a le pouvoir de transformation. Ya kubadilisha, ya c'est pour cela, mon frère, ma soeur, n'imitez jamais quelqu'un. Ne vous laissez jamais être influencé par une personne. Na muntu. Mais laissez la parole de Dieu. Lakini mwache neno ya Mungu. Vous influencer à faire les choses qui sont justes. Bile benye kwa bia kunyoloka. Alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé. Dio banduku bapendo. Et frère Branham dit. Nanduku Branham dans sa prédication. Mu mahubiri yake. L'influence. Uvuto. L'influence. prêcher samedi 12 janvier. Samedi le 12 janvier 1963 matin. Mon pocho 12 janvier 1963 et quoi n'y a subi. Cette influence, il est ouvuto. Ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Aitoke kwa Mungu la limita. Paragraphe 20. Nukta kia makumi mbili. Dernière partie. Kipande kia mwisho. Mais n'imitez jamais ce que fait un homme. Lakini mushifuatirishe kamwe kile mtu anafanya. N'imitez jamais. Mushifuatirishe kamwe. Ce que fait un homme. Kile mtu anafanya. De ce pays. Wa mwinchi. Un Congolais comme toi. Mkongomani sawa we. Ne limitez pas. Hapana kumfuatirisha. Peu importe ce que fait un homme d'un autre pays. Aizuri kile kitaweza kufanya mtu wa mwinchi ngine. Même un homme d'un autre pays. Ata mtu wa mwinchi ngine. Soit blanc. Akwe muzungu. Soit jaune. Akwe wa jaune. Soit rouge. Akwe wa mwindu. Wewe nafa de Dieu. Wewe mtoto wa Mungu. Ne limitez pas. Hapana kumfuatirisha. Écoutez. Mushiki. Ou la femme d'un prédicateur. Ao bibi wa mubiri moye. Même la femme d'un prédicateur. Attends, mubiri wa mubiri. Si une mauvaise vie. Ne le prenez pas pour, comme ta modèle. Ushimuvive sa mfano yako. Ne le suivez pas. Ushimufuate. Ne limitez pas. Ushimufuatirishe. Si ne sait pas l'esprit, si lequel est animé. Roho ile shakumvuta. Ou la femme d'un prédicateur. Ao bibi wa mubiri. Ou quelqu'un d'autre. Ao mtu mwingine. Ne vous laissez jamais influencer. Mushijachire kamwe kuvutwa. Par ces gens-là. Na bale batu bale. Laissez la Bible mwache Biblia vous influencer et kumivuta, à faire les choses qui sont justes. Mupate kufanya bitu vinyokuwa bia kunyoloka bia waki. Alléluia. Amen. Cette influence il est ouvuto. Ne vient pas de celui qui vous a appelé. Aitoke kwa la limita. Et le prophète a dit na nabia nasema laissez la Bible mwache Biblia et la Bible na Biblia c'est la parole de Dieu ni neno ya Mungu. Laissez la Bible vous influencer mwache Biblia ipate kumivuta à faire les choses mupate kufanya bitu vinyokuwa bia kunyoloka. Oui frère bien-aimé. Dieu va pendre en douku. Paragraphe 22. La femme d'un prédicateur a rétrogradé. Bibi wa mubiri mwana rudia nyuma na chaimani. Et a fait de telles choses. Anafanya mabitu ya hivi na hivi. Et un prédicateur a fait ceci et cela. Na mubiri mwana fanya hivi na hivi. Et les autres. Na bengine. Se sont mis simplement. Banajueka tu. A fait la même chose. Kufanya bananza kufanya bitu bimwa bimwe. Oh comme celui-là. Vile ule. Elle est la faute d'un prédicateur. Ni bibi wa mubiri. Son papa. Baba yake. C'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Qui vous a dit? Nani alimwambia? Que si un enfant d'un serviteur de Dieu. Ya kwamba kama mtoto mtumishi wa Mungu anafanya kitu kimoya. Cela veut dire qu'il est dans le vrai. Ni kusema iko ndani ya ukweli. Parce qu'il est l'enfant d'un serviteur de Dieu. Sababu ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, bapendo bandugu dada. Attaquez votre frère. Sawa nduku yenu. Selon la parole de Dieu que fatala nous croyons. Ya Mungu tunamini. Les erreurs. Mankosa. Les serviteurs de Dieu. Ya watumishi ya Mungu. Les erreurs. Mankosa. Les enfants de serviteurs de Dieu. Ya watoto watumishi ya Mungu. Les erreurs. Mankosa. De femmes de serviteurs de Dieu. Ya babibi ya watumishi ya Mungu. Ne sont pas notre modèle à suivre. Aina mfano yetu yashe kufuatilisha. Notre modèle c'est Jésus Christ. Namna yetu na modèle yetu Yesu Kristo. Notre modèle à suivre. Mfano yetu. C'est le message. Ni ujumbe. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Oui frère. Ndio un homme de Dieu, mtu wa Mungu, c'est un être humain. Ni mtu. Il a ses hauts et ses bas. Eko na mabubu, il a ses faiblesses. Nous ne suivons pas les erreurs de quelqu'un. Nous suivons la parole de Dieu. Chetu kunafuata neno ya Mungu. Oh frère. Oh banduku. Même écoute frère Branham. Ata ndugu Branham. Akosa ki na téléphone. Ari koto la landaka ku téléphone. Ata mimi na mimi na faville. Donc erreur au frère Branham masala. Nous sommes les Nkosa ndugu Branham fanya. Yo inakuwa ni hivi bwana alisema. Vous avez un crédit? Uko wa kutokwa mimi. Mais frère Branham. Lakini ndugu Branham. Akosa ki na téléphone. Vila ya landa ku téléphone. Arifanya kani. Akende ko se réparer. Arinda kutengeneza. Mais il nous a enseigné. Artufundisha yeye. Dans l'histoire de sa vie. Mu hadithi ya maisha yake. Anasema hivi. Je ne voulais pas continuer à répéter cette histoire. Mais si je le fais, je veux que mes erreurs puissent être pour vous comme un tremblé qui vous projette, qui vous aide à vous projeter vers Christ. Et tremblé, c'est quoi? Ça prend comme dans les Jeux Olympiques. Parce que quand j'étais moi, je suis un peu kai viva na luka. Et frère Branham me dit. Nandu Branham na sema. Mankosa que moi j'ai commis. Mankosa le mimi fine. Minduku Branham. Je veux que ces années là. Mina pendele mankosa. Soit mettre en plein. Et pas te couvrir sa foche à couvrir. Mouais na misaidia. À vous projeter. Pas te couluka. En d'autres termes. Muma misemo ingine. Sauter moi sauter barere na ngai. Umuluki mankosa yangu. Mwe mushirudiriem. Ah, moi, même la femme dit prophète aussi. Oh, ata bibi wa nabi. Portez aussi des coutes égyptes. Alors qu'on a voilà tout mankanjo, tout foupi. Eti dada meda. C'est votre modèle. Eti mufano enu. Ce n'est pas ça. Aina filé. Mes frères bien-aimés. Banduku wa pendo. Jésus-Christ. Yesu Christ. Est notre exemple parfait. Njo mufano yetu kamilifu. C'est lui. Qui nous a appelés? Nier et tweet. Et c'est lui notre modèle à suivre. Na nienjo mufana yetu eshe kufatirije. Azala kana mabere wa frère. Alikuwa hapa hii dunia hapa banduku. Il a été tenté. Bali mujaribiwa. De toutes les manières. Na munamna kwa chana chana. Jamais commis le péché. Lakini hayatendaka zambi. Mais tous les prophètes. Lakini manabii wote. Basala balele na bango. Barifanya makosa yabo. Bako tali sake. Bakujua kusema. Ils ne sont pas de Dieu. Abana ba Mungu. Ils sont que des hommes. Ni batu tu. C'est pourquoi Zamba a permis d'acquérir un wand. Jo ville mungu arusu ville. Mais il l'a bien Zamba. La kini eno ya mungu. Les affaiblités. Aina na usaifu. La parole de Dieu fort. None ya mungu kuna nguvu. Alors ce qu'on s'y met il l'a bien. Sasa kama una bamba ineno na beba. Yonje takushimamisha. Ta vie chrétienne. Mumaisha kwa bu Kristo. Vous marchez bien. Rukona tembea mzuri. Vous courez bien. Rukona kimbia mzuri. Si vous arrêtez. Sasa nani ulalibishimamisha. Vous empêchez. Jo kumizuiza. Je ne pas obéir la vérité. Mushi amini kukweli. J'étais un bon frère. Rukona nduku mwema. Qui soutenait l'œuvre de Dieu. Rukona saidia kazi ya Mungu. Qui contribuait beaucoup. Rukona saidia sana. Pour les serviteurs de Dieu. Jo kusaidia matumishi ya Mungu. Na aujourd'hui. Sasa leo. Ne le fait pas pourquoi. Au ifanye tena nini. Jua nini. Nani alikushimamisha. Écoutez. Musiki. Je vais terminer par cette citation. Ta shimamia pa hii msemo. Que rien. Kushukua kintu. Que rien. Kushukua kintu. Ne puisse nous influencer. Ipate kutuvuta. En dehors de la parole de Dieu. Inje tu ya neno ya Mungu. En dehors de la parole. Inje ya neno. Rien au monde. Kushukua kintu kudunia. Ne puisse nous attirer. Ipate kutuvuta. Que la parole seule. Neno tuyo inyewe. Puisse nous influencer. Njo ipate kutuvuta. Retournons à la foi. Turudia kuimani. À la correction des Écritures, peu importe ce que le reste du monde doit faire, vous restez toujours dans la parole. Bien-aimés frères, Dieu n'aime pas la désobéissance. Nous lisons encore dans 1 Samuel, la désobéissance de Saoul. Ce que Saul avait fait là, ce n'était pas bon. Et il était rejeté. Dieu l'avait rejeté pour qu'il ne soit plus roi en Israël. À cause de la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 18. Samuel wa kwanza sura 15, mstari 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer pour interdire ces péchés les Amalécites. Tu leur feras la guerre. Jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? T'es-tu jeté sur le bulletin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul lui répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag et roi d'Amalek. Et j'ai dévoué pour interdire les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, Samuel Akasem, l'Éternel, wa milele, trouves-tu du plaisir dans l'Holocauste? Et anapataka fura muma sadaka, et le sacrifice, na muma matoleo, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Sawa mukutiku, sauti ya wa milele. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tazama utiifu inapita kabisa na mbari masadaka. Et l'observation de sa parole. Na kutii kuneno yake. Vaut mieux que la graisse de bélier. Iko ya mzuri kabisa kupitia mafuta ya bangoni. Wewe Saul. Tu as préféré les sacrifices. Ulipenda sadaka. Mais Dieu. Lakini Mungu. Ne se réjouit pas des sacrifices. Yafurahi wake na masadaka. Dieu aime l'obéissance à sa parole. Mungu anapendaka kutii kuneno lake. Frère, c'est ce que font beaucoup de chrétiens. La Bible dit, repentez-vous et, que, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais au lieu de commencer par la repentance, tu vas directement te jeter dans l'eau et tu dis, je suis baptisé. Le baptême ne précède pas la repentance. Tu dois commencer par la repentance. Et ba chrétien bele ba sala ka ba repentance yandam. Na ba Christ ba ngwana fanyaka kutubu kwa kipande. Sasa kavez fe Saul. Joke ifanyaka Samuel. Il a tué seulement les bêtes maigres. Ariwaka paka tu bangombe twa twa. Les vaches maigres. Kukonda ba mbuzi to kukonda. Na racha bangombe ba mafuta. Ozo sala triage ya masumu. Huko na chakula manzambi. Kofe d'autre péché. Unakiri manzambi ngine. D'autre péché la tu les laisses. Na manzambi ngine unayacha. Les péchés qui te sont chers. Manzambi leko ya bei kabisa unaichunga. Je veux pas toucher. Hii mishitagusa hiyo. Hii ubakie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il est ni unafiki. Confesse ton péché. Kiri nzambi yako. Et Saul dit. Na Saul akasema. J'ai pris le bé et le bé graisse. Nilibeba bangumbe ba mafuta. Pour les offrir à l'Éternel. Je kuitolea kwa milele Mungu wako kule ku Gilgal. L'Éternel trouve-t-il du plaisir? Et tu milele kanapataka furaha yake. Dans l'holocauste. Mu masadaka mazabihu. Et dans les sacrifices. Na masadaka. Comme dans l'obéissance à sa parole. Paka sawa anapataka furaha yake mkutile no yake. Utoka kunyumba yako. Tu as fait le sacrifice. Unafanya urujitoa. Tu as venu à l'église. Unakuwa kanisa. Mais ce que j'ai fait. Lakini kile Mungu anataka. Ce que je cherche. Kile upate. C'est d'être obéissant. Eh, unapenda kuwa mtifu. Alléluia. Amen. Eh bien, mes frères, écoutez, Mushiki, notre Dieu, Mungu etu, il ne regarde pas la fin, là, le commencement. Il regarde la fin. Et lisons rapidement Ézéchiel. Vous pouvez noter même ça. Mupate. Bon, lisons rapidement. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Ézéchiel 32, verset 12. Ézéchiel 32, pardon. Ézéchiel chapitre 33, verset 12. Ézéchiel 33, mustara 12. Et toi, fils de l'homme. Dis aux enfants de ton peuple. La méchanceté la justice du juste ne lui sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas dans sa méchanceté le jour où il se détournera. De même vile vile, que le juste ne pourra pas vivre par sa justice waki yaki, au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste wakati mtu yaki, qui vivra asema taishi, si se confie dans sa justice kama yaki, et commet l'iniquité, na natenda wovu, toute sa justice waki yake yote, sera oubliée. Et itasaulika. Et il mourra na atakufwa, à cause de l'iniquité kwa sababu ya uovu, qu'il a commise. Il alitenda. Lorsque je dis au méchant, wakati mnaambia kwa mtu mubaya, qui mourra utakufwa, s'il revient de son péché kama anaacha zambi yake, et pratique la droiture na natumikia unyofu, et la justice na waki, s'il ira à l'égage, kama anarudisha kila ribeba, s'il restitue ce qu'il a ravi, anarudisha kila rinyanganya, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, kama anafuata makanuni inaleta uzima, si sans commettre l'iniquité, bila kutenda uovu, il vivra. Ataishi. Il ne mourra pas. Ashita kufa tena. Tout le péché mazambi yote qu'il a commis ile yote alitenda seront oubliés. Bataisabwa. Il pratique la droiture atatumikia unyofu, et la justice na waki, il vivra. Ataishi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? C'est pour cela, bien-aimés frères, joko mwana bapendo banduku, ce que Dieu regarde, il est mungo nangaria, c'est la fin ni mwishu, et ce n'est pas le commencement. Aina mwanzo. Mais si tu avais bien commencé, lakini kama unaanza mzuri, continue toujours. Uendelea mzuri. Écoutez, mushiki, comme nous parlons de l'obéissance, vile tunasema yule utiifu, Les apôtres avaient obéi à la parole de Dieu. Et ils avaient reçu ce que Dieu avait promis. Et cette promesse, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit que la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Et il y en a aussi un grand nombre que notre Seigneur les appellera, même à Kambov. Écoutez, après la résurrection du Seigneur, Actes chapitre 1er, verset 4, il a ordonné à ses disciples, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Quand Jean a baptisé d'eau, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, lakini mwe, dans peu de jours, mumasiku kido, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mutabatiziwa na Roho Mtakatifu. Il les a recommandé Aribagizia, de ne pas s'éloigner bashende mbari, de Jérusalem, na Yerusalem, mais d'entendre lakini bachunge, ce que le Père avait promis. Ile baba rilaka. Mais les apôtres, verset 12. Mstari wa kumi na mbili. Alors, Pale, ils retournaient à Jérusalem, bakarudia ku Yerusalema, de la montagne appelée des Oliviers, kumulima naitwa ya wali, ya mamizeituni, qui est près de Jérusalem. Il est au Caribou, na Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Vous avez vu ici, quand Christ les a recommandés de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ils ont obéi. Obéi. Alors dans le verset, chapitre 5, verset 32, la Bible dit, nous sommes témoins de ces choses. Tuko bashuda ibitu. De même que le Saint-Esprit. Vile Rome takatifu. Que Dieu a donné. Il est Rome à ceux qui lui obéissaient. Kubale barimuti. Alléluia. Amen. Comme les apôtres avaient obéi. Vile bamitume bariti. À l'ordre du Seigneur. Kwa gizo ya Bwana. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Baripokea Rome takatifu. Le Seigneur les avait ordonné. Bwana ribagizia. De ne pas quitter la Jérusalem. Bashitoki mu Yerusalemu. Mais de rester à Jérusalem. Lakini babakie mu Yerusalemu. Et la Jérusalem est pour nous. Na Yerusalemu kwetu she. Représente la parole de Dieu. Inamaanisha neno ya Mungu. Ne quittez jamais la parole de Dieu, mon frère. Mushache kamwe neno ya Mungu bandu kwa. Ne quittez jamais la parole de Dieu, ma soeur. Mushache kamwe neno ya Mungu bandu kwa. Restez dans la parole. Mubakie mu neno. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Na Mungu atamipatia Roho Mtakatifu. Continuez l'obéissance de la parole de Dieu. Muendelee kutii kuneno ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés frères. Ah, basi bandu kwa peine. La Bible dit. Biblia nasema. Apocalypse chapitre 2 verset chapitre 2. Mufunulo sura ya pili. Apocalypse chapitre 2 verset 2. Ufunulo sura ya pili mstari wa pili. Je connais tes œuvres. Mimi najua matendo yako. Ton travail. Kazi yako. Ta persévérance. Kudumu kwako. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mimi najua siwezi kuvumilia watu wabaya. Et prouver ceux qui se disent apôtres. Na ulipima mbaya wale wajiita sema mitume na bana ba mitume. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Kuna que tu as souffert à cause de mon nom. Ya et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, lakini kile ni unakupinganishia wewe, ce que tu as abandonné, lakini uriachilia, ton premier amour, mapendo yako ya kumwanzo, l'amour du début tu as abandonné, mapendo ya mwanzo uriacha, tu as perdu la crainte que tu avais, unapoteza uoga ulikuwa nayo, et la Bible te conseille, na Biblia inakushauria, souviens-toi, kumbuka, d'où tu es tombé, uliangukia wapi, repens-toi ce soir mon frère, tubu mangaribi ya leo ndugu yangu, repens-toi ce soir ma sœur, tubu mangaribi ya leo dada yangu, pratique, na utumikie, tes premières œuvres, matendo yako ya kumwanzo. Pratiquez les premières œuvres. Tumikia matendo ya mwanzo. Repens-toi mon frère. Tubu ndugu yangu. Regardez ce que tu étais. Angalia kile ulikuwa yako. Tu avais la crainte de Dieu. Ulikuwa na woga ya Mungu. Tu avais l'obéissance. Ulikuwa na utiifu. Mais aujourd'hui. Sasa leo. Tu ne marches plus dans l'obéissance. Hautembei katika utiifu. Repens-toi. Tubu. Et commencer. Na anza. Recommencer les bonnes œuvres. Anzula matendo mzuri. Alléluia. Amen. Que chacun de nous puisse examiner. Kila mmoja wetu ajiangalishishe. Pose-toi la question ce soir. Ujulize mangaribi ya leo. Quelle est ma position ce soir? Mushimamo yangu mangaribi ya leo ni nini? Vis-à-vis de Dieu. Mbele ya Mungu. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Et mungu? Si le Seigneur Jésus-Christ venait ce soir, kama bwana Yesu Kristo anakuja mangari est-ce que j'irai avec lui? Et mitaenda pamoja naye? Alors mon frère bien-aimé, sasa mpendwa nduku, tu peux nous tromper, unaweza kutudanganya, mais tu ne peux pas arriver à tromper ta propre conscience. Lakini hauwezi kufika kudanganya dhamiri yako wewe mwenyewe. Tu te connais tel que tu es là. Unajijua paka vile uko pale. Tu te connais. Unajijua mzuri. Tu sais ce que tu fais là. Unajua kile unafanya. Ma cachette. Hata mkufichama. Alors ce soir, sasa mangaribi ya leo, Dieu qui nous aime. Kuko Mungu anatupenda. Un père qui nous aime. Baba ulasha kutupenda. Il nous recommande. Anatuagizia. Il nous appelle. Anatuita. De recommencer. Tuanzulule. Le bon nous aime. Matendo ya mzuri. Que le Seigneur, Bwana, Jésus-Christ, Yesu, vous bénisse. Amibariki. Bariki.